ces gosses là-bas. Ils ont la rage, ils crèvent dans leur bidonville et se gavent de films d'action américains. Les maladies mentales sont en hausse perpétuelle. Toujours plus de serial killers, de suicidaires, de violences gratuites. C'est pas avec du shopping ou des consoles de jeux que vous pourrez les endormir. Et les antidépresseurs finiront par ne plus agir. Les gens en ont plus que marre de votre système de merde. Triste par la vie que je mène, j'ai mon cœur en panne. Agrippe-toi comme tu peux, car même une corde ça dépanne. T'as du flou sous t'es en panne, ton salaire fait toi un lâche. Pas de coup man, que des vérités qui blessent aussi qui fâchent. Tu veux ma vie, je te la donne. Un mec simple qui pète un cap, voir un médecin j'y pense encore. Mais le diable il mène la danse, j'ai trop plus quoi penser dans ma petite tête. Et je perds les pédales, la vie est dure, sans effort. Ben t'obtiendras que dalle, monter au paradis ou bien descendre. Pourrir en enfer, c'est déjà réservé, car chaque place a un destinataire. Faut toujours rester debout, même si t'as le choix de rester à terre. J'ai fait des efforts mon frère, mais j'ai vu que ça servait à R. Ils te marcheraient dessus parce que t'as pas le même niveau. Mais la moitié de ces gens là ils ont construit sur des pipeaux. Vis ta vie comme tu l'entends, gaffe et surtout gaffe au mytho. Qu'est-ce que tu dis de ça, je me sens comme Scaletta dans le corps de Vito. J'ai plus quoi faire frère, je prends mon mal en patience et puis je m'aperçois que dans la vie on a toujours besoin d'une personne. Mais pour la plupart ils préfèrent jouer perso. Pourtant je leur ai tant donné, j'ai plus quoi faire mais j'ai tellement mal au cœur, douleur éternelle. J'ai perdu de mes yeux ce qu'était ma prunelle. Un soir comme une étoile c'est sur toi que je veille. Quand je donnais tout, je donnais. Quand je les entends parler sur moi je me dis c'est bon t'es leur idole. Rien à perdre ni à gagner, alors le match je le déboîte. Parce que j'ai trouvé le temps long et c'est peut-être ça qui me traîne. Est-ce que avant l'accident on peut dire que le schizophrène c'est tout ou rien comme dirait l'autre. Moi je me dis c'est toi ou moi, rien à foutre si je vis mal tant que ma mère a le sourire tous les mois. La vérité sort de la bouche des gosses, plus tard on verra. À méditer celui qui part en couille t'inquiète le refera. J'ai vérifié mon taux de haine mais là on parle plus en grammes. Chaque phrase que j'écris c'est comme chaque latte que je tire. Y'a de la place dans mon cœur, t'inquiète je vais le réparer. Heureusement que papa est là, y'aura pas de papa outé. Mais je sais pas si t'as idée de l'intensité de ma douleur. Heureusement qu'il reste la beuh pour voir la vie d'une autre couleur. On choisit pas ce qu'on voulait, des fois ça nous tombe dessus. Et si la vie est belle on dira tous qu'elle nous a tous déçus. J'ai plus quoi faire frère, je prends mon mal en patience et puis je m'aperçois que dans la vie on a toujours besoin d'une personne. Mais pour la plupart ils préfèrent jouer perso. Pourtant je leur ai tant donné, j'ai plus quoi faire mais j'ai tellement mal au cœur, douleur éternelle. J'ai perdu de mes yeux ce qu'était ma prunelle. Un soir comme une étoile c'est sur toi que je veille. Tu es venu cracher mon venin sur le mic, trop de choses à dire. Venu casser les enceintes, les baffes avant de repartir. Toute ma vie je vais ramer, j'ai vu que je suis en plein dedans. Chaque question que je me pose ça fait l'effet boomerang. La vérité plombe, suffit d'un rien pour que t'ailles dans ta tombe. Mes démons me tentent, remonter la pente en restant sombre. Je vois les jours passer et je t'avoue du mal à tourner la page. Je t'étonne pas si avec le temps ma belle mon cœur il est en panne. Ma peine elle est instable, elle passe du rire aux larmes. Et si ça suffit pas tu sais parfois elle vire au drame. Je suis maître de ma vie et aussi maître de mes actes. Pas maître de ma haine mais je suis maître de mon arme. J'ai remplacé ma tristesse par la musique, ses effets. J'ai confiance qu'en moi même depuis que je suis trop méfiant. J'ai rempli des pages et des pages, j'ai fait des tâches et des tâches. Accroche-toi à la vie mais perso c'est moi qui m'y détache. J'ai plus quoi faire frère, je prends mon mal en patience et puis je m'aperçois que dans la vie on a toujours besoin d'une personne. Mais pour la plupart ils préfèrent jouer perso. Pourtant je leur ai tant donné, j'ai plus quoi faire mais j'ai tellement mal au cœur, douleur éternelle. J'ai perdu de mes yeux ce qu'était ma prunelle. Un soir comme une étoile c'est sur toi que je veille. Y'a rien qui se passe comme prévu, maintenant c'est fait, seul en effet. Je viens de commencer, c'est que le début. Dès que j'arrive, je vais les choquer. Ils pensaient que j'avais pas rappé. Je les ai vu augmenter le son une fois, deux fois, trois fois. Et après, ça m'appelle mon sauce. Ils me connaissent pas, ils vont savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Je suis pas comme tes rappeurs, j'ai des choses à dire jusqu'à plus d'heures. J'arrêterai pas tant que j'aurai toujours la haine envers l'état. Tant que mes démons me disent encore qu'il faut foncer dans le tas. Je leur allume et puis je le ponce. T'as vu comme les gens ont l'air heureux, on dirait des bêtes traquées. Faut les voir le soir ravachis dans leur fauteuil, blêmes et apathiques devant leur télé, en train d'écouter un zombie qui leur parle d'un bonheur qu'ils ne connaissent plus depuis longtemps. Tant que mettre des noms, 10 encore, 10 encore, 10 encore, qu'il faut foncer dans le parc.